Ouais, c'est une théorie valable. Mais quelque chose me dit que vous passez à côté d'une info essentielle. Reprenez le dossier.